Vous êtes à l'écoute de la radio Isanganiro. Voilà le journal de la mi-journée de ce jeudi 27 octobre, dont voici la charpente. Le comité de la riposte au Covid-19 dresse un bilan de près de 2 millions de personnes testées au Covid-19. 15 cas de décès ont été enregistrés depuis l'apparition de cette maladie le 31 mars 2020. Dans cette édition, vous entendrez la vice-présidente de ce comité, Dr Sylvie Nzeimana. Et à Kigobe, les élus du peuple ont adopté ce jeudi le projet de loi de ratification du Burundi à la Charte africaine de la jeunesse. Dans cette édition également, l'on vous parlera de l'état de la route Mena au chef-lieu de la commune Isare. C'est dans la province de Bujumbura. Voilà pour l'essentiel. Moi, Zemi Sago, suis à la présentation. Eric Uimana est à la manette du son. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, près de 2 millions de personnes ont été testées au Covid-19 depuis son apparition au Burundi le 31 mars 2020 jusqu'au 26 courant. Plus de 50 000 cas positifs ont été signalés et plus de 90% ont été guéris. 15 cas de décès ont été enregistrés. Actuellement, plus de 250 personnes sont sous traitement selon le comité de la riposte. Suivez à ce propos Dr Sylvie Nzeimana, elle est vice-présidente du comité de la riposte au Covid-19. Le but de cette réunion était d'évaluer le pas franchi par le pays dans la riposte contre la pandémie. Depuis l'apparition, le constat a été que le Burundi a été frappé, comme tous les autres pays du monde, par la pandémie. Mais le pays a adopté des stratégies de prévention et de riposte contre la maladie, lesquelles stratégies ont été très efficaces. Ces stratégies sont entre autres le dépistage de masse. C'est aussi le suivi rigoureux des gestes barrières pour la prévention de la maladie, mais aussi la prise en charge gratuite des cas contaminés. Au total, depuis le début de la pandémie, un total de 1,866,744 personnes ont été testées gratuitement. Et parmi elles, 50,470 personnes ont été contaminés par le virus, mais plus de 99% ont été traités et guéris. Durant toute la pandémie, il y a eu des oscillations avec des pics caractérisés par une augmentation de la transmission communautaire. C'est le cas de la période de décembre 2021 à janvier 2022. Suite au variant Omicron qui était très hautement contagieux. Après plusieurs interventions du pays, les vagues de la pandémie ont été maîtrisées et actuellement on observe une très faible contamination et propagation de la pandémie. Alors dans cette réunion, il a été mis en place un comité de rédaction du rapport final, lequel rapport va inclure toutes les réalisations en rapport avec la prévention et la prise en charge de la maladie, les moyens utilisés en termes d'argent ainsi que les donations offertes dans le but de la lutte contre cette maladie. Docteur Sylvie Nzeimana est vice-présidente du comité de la riposte au Covid-19. Poursuivons cette édition. Le ministère en charge des logements sociaux a identifié des sites qui doivent abriter ce genre de logements au cours du premier trimestre 2022-2023. Lors de la présentation des réalisations trimestrielles ce mardi, Dieudonné Doukounda, né à la tête de ce ministère, a indiqué que les levées topographiques sont déjà terminées pour le site Kariakatre, si dans la province de Gitega. Suivez. Concernant la partie logements sociaux, c'est un secteur qui nécessite des efforts substantiels parce que la plupart de nos villes se sont développées presque anarchiquement. Et la nouvelle philosophie qu'on doit impulser dans les nouveaux quartiers à construire, c'est que ça doit être des quartiers bien organisés, et là où c'est possible, construire des logements sociaux. C'est très important pour préserver nos espaces agricoles, surtout dans la plaine de Limbo, mais également pour répondre à une demande sans cesse croissante. Alors, par rapport au premier trimestre, il y a des sites qui ont été identifiés à l'intérieur du pays pour abriter ce genre d'infrastructures de logements sociaux. Et les plans types ont déjà été produits et l'exercice de matérialisation à Gitega, dans le quartier Karera 4, où les relevés topographiques sont déjà terminés. Il y a aussi les travaux de construction d'un village modèle dans le quartier Kiyange, dit Miroir, ici à mairie de Bujumbura, où 28 logements de la catégorie VVIP et standard sur le financement de la Banque de l'Habitat du Burundi, où les travaux vont bientôt toucher à leur fin. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h03, le journal continue sur Isanganiro. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi à l'unanimité le projet de loi portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse adoptée à Banjul en Gambie le 2 juillet 2006. Cela étant, les députés ont émis quelques préoccupations, notamment la violation des valeurs culturelles burundaises par le contenu de la Charte. Le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique était l'invité à la chambre basse du Parlement tranquillise. Évariste Ndikobanyang, vous êtes retour de l'hémicycle d'Okigobe. Pourquoi, après l'adoption de ce projet de loi en 2006, le Burundi n'a pas encore ratifié ce projet de loi? Oui, justement, le Burundi n'a pas encore ratifié ce projet de loi. Mais ici, je signalerai que cette loi est d'une importance capitale puisque c'est un projet de loi qui va permettre les jeunes Burundais à circuler dans tous les pays de l'Afrique, à aller étudier dans le pays de son choix et aller demander du travail dans le pays de son choix aussi. Donc c'est un projet de loi, s'il entre en vigueur, permettra, sera d'une importance capitale à la jeunesse burundaise. Vous me demandez pourquoi le Burundi n'a pas encore ratifié ce projet de loi adopté à Banjul le 2 juillet 2006. Les raisons qui ont été données par le ministre est que la période 2006 coïncidait avec le moment où le Burundi venait de sortir de la vie socio-économique qui a endeuillé le pays. Vous saurez qu'ici, le Burundi sortait de la crise, sortait de la guerre entre le gouvernement burundais et les groupes armés. La deuxième raison qui est donnée par le ministre est que le gouvernement a attendu qu'il y ait recensement. Donc aujourd'hui, le gouvernement indique que la jeunesse burundaise constitue 60% de la population burundaise. Oui, quelles ont été les préoccupations des députés et les réponses du ministre de l'Éducation? Les préoccupations des députés, ici je signalerai la question qui a été posée par le député Sabine Nakarutimana, et les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Elle a demandé si cette loi portant ratification de la jeunesse au niveau Afrique ne viendrait pas torpiller les valeurs culturelles burundaises. Ici, elle a voulu savoir si la jeunesse burundaise ne serait pas traîné dans l'homosexualité. Ici, le ministre burundais a expliqué, a tranquillisé les Burundais que les valeurs culturelles burundaises seront de mise malgré cette loi une fois entrée en vigueur. La deuxième préoccupation a été soulevée par le député Olivier Suguru. Et il a voulu savoir si les Burundais, les jeunes Burundais ne seraient pas voués à l'échec dans la compétition pour entrer dans les services offerts dans les pays de l'Afrique. Ici, il a indiqué que la jeunesse burundaise qui termine les études, la majorité ne s'exprime pas bien en français et en anglais. Ici aussi, le ministre a tranquillisé, il a reconnu qu'il y a cette faiblesse du côté de la jeunesse burundaise une fois terminées les études, soit secondaire et universitaire. Mais le ministre François a tranquillisé que le gouvernement va mettre en place maintenant des renforcements en langue depuis la 7e jusqu'à 9e. Merci Évariste Nzikobanyanga pour tous ces détails. Poursuivons cette édition. Les directeurs d'école en commune Kayanza sont appelés à mener une franche collaboration avec les enseignants qu'ils dirigent. Appel lancé par Adele Nidigimana, directeur communal de l'enseignement à Kayanza. Il a dit ce jeudi dans une réunion avec les directeurs et les enseignants présents dans les classes à tester. N'est-ce pas Patrick Nsengeyumba? L'objectif de cette séance qui a réuni les directeurs d'école et des enseignants de la 6e année, de la 9e année et ceux des classes à test national est selon Adele Nisguimana, le directeur communal d'enseignement Kayanza, celui d'échanger sur les différents défis auxquels fait face le secteur de l'éducation à cette commune scolaire ainsi que des perspectives d'avenir pour y faire face. Le directeur communal d'enseignement Kayanza fait savoir que la commune scolaire Kayanza dispose des enseignants qualifiés et le matériel didactique en une quantité suffisante, ce qui pourrait d'après lui permettre l'amélioration du rendement scolaire. Adelan Nizigimana appelle tous ses parties prenantes à se ressaisir et en améliorer les prestations chacun en ce qui le concerne et ce d'être toujours liés dans l'objectif d'améliorer aussi le rendement scolaire. Pour y parvenir, le directeur communal d'enseignement Kayanza interpelle les directeurs d'école à ne pas jouer le policier chez les enseignants qui les représentent, mais plutôt mener une franche collaboration, ce qui c'est le lui peut permettre l'amélioration du rendement scolaire. Là, Adele Nsguimana leur donne l'exemple d'un directeur du lycée Kayanza qui cohabite bien avec les enseignants qui les représentent et que consécutivement, cette école se classe dans des premières dans des examens nationaux. Certains des enseignants font savoir que beaucoup d'élèves étudiants dans des écoles à régime d'externat ne révisent pas bien les cours car exerçant des activités génératrices de revenus après ces cours. Adelan Nsguimana, le directeur communal d'enseignement Kayanza, promet mener des réunions avec des représentants des comités de gestion de l'école pour demander aux parents d'élèves d'intervenir dans l'encadrement de leurs enfants dans la révision des cours. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumba pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumba pour tous ces détails. De Kayanza, rendons-nous à Bujumbura cette fois-ci, où la route menant vers le chef-lieu de la province Bujumbura à Isare est en cours de réhabilitation. Des âgés de cette route apprécient ces activités. Ils se réjouissent des facilités leur offertes en se déplaçant. Des conducteurs des motos affirment gagner de l'argent par rapport au temps passé. Ils expliquent parcourir plus de 6 tours par jour alors qu'avant ce n'était pas le cas. En ligne, suis en direct avec notre envoyé spécial à Bujumbura, Vestine Boutoui. Bonjour. Bonjour Moïse Misago, je vous écoute. Oui, quel est l'état de lieu de la route qui mène vers la commune Isare pour le moment? Juste à la jonction de la route nationale numéro 1 et celle menant vers le chef-lieu de la province de Bujumbura, en commune Isare précisément, on voit des ouvriers en train de tracer un caniveau sur le seul côté de la route. Et de l'autre côté, des tas de sable, de gravier, de moellons, de la pierre solide. Et à quelques mètres de là, on remarque que la route devient étroite ou ample. Ça varie, ça dépend de l'endroit dans lequel on se place. Oui, quelle est l'appréciation des habitants d'Issare? Et certains usagers de la route apprécient le déroulement des activités. Ils se réjouissent qu'actuellement, s'y déplacer est facile. En plus, d'autres évoquent avoir gagné de l'emploi. Et par la suite, ils y parviennent à subvenir à certains de leurs besoins. Cependant, une autre catégorie des usagers de cette route déplore le manque d'experts et pour le traçage de ces caniveaux et dans la réhabilitation de la route. Et ce qui fait que il y a des normes sur lesquelles on se base pour tracer ces caniveaux, mais qui ne sont pas respectés. De plus, délimiter la superficie de la route n'est pas conforme, parce que on voit des endroits qui sont étroits et d'autres amples. Merci Vestine Boutoui, nous espérons qu'à de retour vous allez nous fournir plus de précisions. Oui Moïse, à tous ces usagers ou riverains de la route et demande d'accélérer les travaux afin qu'ils prennent fin dans les meilleurs délais. Et de surcroît, ces usagers souhaitent que cette dernière soit goudronnée pour faciliter la circulation. De plus, cette réhabilitation de la route est sous le contrôle de l'agence routière du Burundi. Merci Vestine Boutoui, nous espérons plus de précisions dans nos éditions ultérieures quand vous serez de retour. Je suis d'accord. Merci. Page Sport, avant de boucler cette édition, l'équipe nationale de handball de moins de 20 ans vient de se qualifier en demi-finale de Challenge Trophy, zone qui se déroule au Kenya. Jean-Claude Ndaïrore, sélectionnaire de cette équipe, indique que cette qualification est due à la victoire de l'Ouganda contre le Kenya. Il s'exprime au micro d'Étienne Manerakiza à la cabine technique. On me signale que l'élément sonore n'est pas disponible. À la cabine technique, on me signale que l'élément vient d'être disponible. Écoutez. À la manette du son, on me signale cette fois-ci que l'élément n'est pas disponible. Après une courte pause, page internationale. Isanganiro. Actualité internationale. Hors de nos frontières, les forces armées burkinabées lancent la mobilisation populaire pour faire face aux groupes armés terroristes. Un recrutement de 35 000 volontaires pour le compte des communes du pays et 15 000 volontaires pour la brigade de veille et de défense patriotique est en cours. Des volontaires qui seront formés mis à contribution dans le cadre de lutte contre dans le cadre antiterroriste. La création de cette brigade avait été décidée au cours d'un conseil supérieur de la défense sous l'ancien président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Ses missions, la coordination opérationnelle de la défense civile du territoire, la contribution à la recherche du renseignement et la défense de certaines parties du territoire en cas de nécessité. Et après la répression des manifestations du 20 octobre, le gouvernement a fait un geste en faveur de la population en repoussant l'entrée en vigueur du couvre-feu à compter du mercredi 26 octobre. Au lieu de 18h, il est désormais en vigueur à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Une décision espérée, mais les Ndjaménois demandent plus. Et à Mauritanie, la Mauritanie est confrontée à une épidémie de fièvre de la vallée du Rift. Selon le ministère de la Santé, 23 personnes sont décédées de cette fièvre hémorragique sur 50 cas recensés. Une épidémie prise très au sérieux par les autorités. Et voilà, chers auditeurs, à 13h14, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. Au revoir.